je mette les voiles, faut que je mette les voiles, faut que je mette les voiles, faut que je mette les voiles, faut que je mette les voiles, faut que je mette les voiles, faut que je mette les voiles, faut que je mette les voiles, faut que je mette les voiles, faut que je mette les voiles, faut que je mette les voiles, faut que je mette les voiles, faut que je mette les voiles, faut que je mette les voiles, faut que je mette les voiles. Trop jaloux dans le périmètre, faut que je mette les voiles. Laissez-moi tranquille. Faut que je mette les voiles. Trop jaloux dans le périmètre. Faut que je mette les voiles. Laissez-moi tranquille. Vas-y, sortez les crosses volées. Je rappe pour les frères à l'ombre. J'écris mes textes en moins de. Mon fraise banane, mon joint de. Arrête de faire ta sainte. Moi j'aime les gens simples. Je donne quand il me reste qu'un peu. Que tu parles de ta fin de. Que vous portez plainte, allez un peu vous faire enculer. On fonce tout droit, on n'a pas peur. Un 3-5, je suis matriculé. On est chargé, véhiculé. Vous vous faites que manipuler. Les sous m'ont pas omnibulé. J'aime sentir le shit le borbulé. Cette année, je vais les niquer. Je me fous comme un trait d'enculé. Ils viennent me lastiquer quand je suis déterre à parculer. Parano, peur qu'on me mis un truc au-dessus de la roue. Avec l'engin que j'ai sur l'autoroute, je mets un 3 là sous barou. Et la miss, elle me plaît. Faut que je regarde le garou. Je veux prendre son hume en soum-soum comme un loup-garou. C'est pour ceux qui font le sindoul, même sur le banc des accusés. Pour ceux qui grattent des blancs toute la journée, c'est abusé. Ce système va muser, je vise la lune sur ma fusée. Des fois je pleure dans ma douche, c'est pas trop ça, maintenant tu sais. Et mon bolide, je l'ai pucé. Ligne droite, faut pousser. Je viens de boire 3 Q-secs, je fais une course contre un Q7. Rien à faire, je tue le temps. Et mon cerveau prend un coup. Au volant de ma vie, je fais des burns. Les jaloux mettent des clous. Les jaloux mettent des clous. Je suis bouillant comme Tico. On a la Ziou comme des potos, on se verrait bien vers Mexico. Bronzette sous les cocotiers avec un 7-Up Morito. Oubliez Dioul, il est plus là, aujourd'hui appelez-moi Enrico. Oubliez Dioul, il est plus là, aujourd'hui appelez-moi Enrico. Aujourd'hui, y a plein de missions et y a le poteau, il va un bigot. Ça fait longtemps que je t'ai pas vu, poteau, je suis content que t'es là. Frappe l'autre petit filet, fais le sindoul comme Cabella. C'est le sang, c'est la Honda, c'est la team. C'est le sang, c'est la Honda, c'est la team. Faut que je mette les voiles. Trop jaloux dans le périmètre. Faut que je mette les voiles. Laissez-moi tranquille. Faut que je mette les voiles. Trop jaloux dans le périmètre. Faut que je mette les voiles. Laissez-moi tranquille. Faut que je mette les voiles. Faut que je mette les voiles. Faut que je mette les voiles. Faut que je mette les voiles. Faut que je mette les voiles. Faut que je mette les voiles. Faut que je mette les voiles. Faut que je mette les voiles. Faut que je mette les voiles. Faut que je mette les voiles. Faut que je mette les voiles. Faut que je mette les voiles. Faut que je mette les voiles. Faut que je mette les voiles. Faut que je mette les voiles.